Celui qui marchait sous la pluie, les yeux perdus dans son silence. Qui peut dire où il est parti, par le fantôme de méfiance. Celui qui marchait sous la pluie, dans les mystères de l'errance. Il s'est enfoncé dans la nuit, nous laissant dans notre ignorance. Et ses guenilles, un air de dire excusez-moi, j'ai pas voulu qu'on me fusille. La guerre a fait que me voilà, on a dispersé ma famille. Il est venu plein de soldats, il a fallu qu'on s'éparpille. Fatigue accumulée, ne sachant plus ce que je dis. Ma mémoire est un sac percé et je ne sais plus où j'en suis. Dans mes mains, je tenais ma vie, mais ils m'en ont dépossédé. Ces petits robots en treillis. Et j'ai dû me mettre à marcher, marcher, marcher, marcher. C'est que du vide où je regarde, tout fout le camp autour de moi. Suis un vieux cabot qui s'attarde, la mort a dû m'oublier là. Tout mon univers se lézarde, je ne sais même pas pourquoi. Dedans, dehors, ça s'embrouillarde, devant c'est un grand trou noir froid. Celui qui passait sur la route, tout englué dans son malheur, nous a semé au cœur le doute, grande prudence et de rigueur. Il vaut mieux rester à l'écoute, maintenant ça se passe ailleurs. Et si demain, c'est la déroute, et que s'exporte ici la peur. Et si demain, c'est la déroute, et que s'exporte ici la peur.